gonna be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Le beau bizarre. Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Amateurs du beau bizarre, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est aussi bonnes que les nôtres. Oui, d'ailleurs on va vous le prouver puisque cette émission est consacrée... à nos impressions musicales estivales et vous allez voir qu'on a su continuer à écouter de la musique et de la bonne musique, n'est-ce pas Fabrice ? Oui, personne ne s'est noyé, j'ajouterai. Non, effectivement, non, ça c'est des vacances assez calmes quand même, je pense. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça va se vérifier dans la programmation, finalement, en partie en tout cas. En partie en tout cas déjà avec le premier titre que tu vas nous proposer, Cédric, justement. Tout à fait, oui. On va écouter un morceau de Aeténor sur un album qui s'intitule An Form for Bla. Bon, je ne pense pas bien prononcer puisque c'est du norvégien, je pense. Donc c'est un album que j'ai pris beaucoup de plaisir à réécouter au casque durant quelques nuits estivales, la fenêtre ouverte en temps de canicule. Mmh. Alors je précise que l'écoute s'est faite au casque parce que c'est vraiment une musique qui gagne à être écoutée ainsi, car ça permet vraiment de découvrir toutes les richesses de la musique. Vous allez voir ce morceau à la fois dense et très épuré. Donc voici le morceau One Number of Destiny in 99 à Aeténor. Thank you.

Thank you. Et bienvenue dans les années 70 avec Mir par Faust. C'est tiré de leur album 71 minutes of Faust, qui réunissait en fait deux LP qui n'avaient pas été réédités. Et ça avait été chose faite sur cet album. Et on va rester en Allemagne, me semble-t-il. Oui, absolument. On va rester en Allemagne, puisque cet été aura vu la ressortie de nombreux morceaux oubliés du groupe et retrouvés dans les studios. Donc un coffret 3 CD qui s'appelle The Lost Tapes et qui renferme plein de petits bijoux, dont notamment ce qu'on va passer ce soir, là, The Dead Pigeon Suite. De quel groupe tu parles ? De Cannes. Ah, on n'a pas dit Cannes, pardon. Excusez-moi. Non. Non, mais c'est bien parce que ça crée un suspense. Voilà, non, on parlait de Cannes, hein, un groupe régulièrement passé d'ailleurs dans l'émission. Donc je disais le titre Dead Pigeon Suite, qui était une musique de film, comme souvent dans la carrière de Cannes jusqu'au milieu des années 70. Le titre du film, je vous le donne, en allemand, hein, si vous voulez, tiens, pourquoi pas, c'est... Tote Taube auf der Beethovenstrasse. Voilà, tu Dead traduit, Pigeon. Voilà, le pigeon mort sur la rue Beethoven. et donc cette ébauche qui dure un peu plus d'une dizaine de minutes, on en trouvera une version finalisée sur l'album Ege Bem Yazi avec le titre Vitamine C. Ouais. Ah, c'est parti pour Cannes. Thank you.

Alors, petite précision sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le titre de Cannes. Il ne s'agissait pas d'un film, mais d'un épisode de la série Tatort, et qui plus est réalisé par le cinéaste américain Samuel Fuller. Donc incroyable. Voilà, incroyable révélation en cours d'émission. Et là, nous venons d'écouter Guillaume Perret, saxophoniste parisien, qui vient de sortir donc son premier album chez Zadig, là un tout petit peu avant l'été. Et j'avoue que c'est, je pense, peut-être le disque que j'ai le plus écouté justement durant ces deux mois de juillet et d'août. Là, voilà, donc très très bel album avec on peut donner. Les autres musiciens, hein, Philippe Bussonnet à la basse, Johan Serra à la batterie et Jim Grandcamp à la guitare électrique. À noter la participation de Médéric Collignon aussi à la voix sur deux morceaux. Un disque très riche, hein, beaucoup d'influences diverses, hein, passant oui, de John Zorn à la série Ethiopique. De dub reggae là. Petit côté dub, vraiment un disque à conseiller parce qu'il est... Ouais, très très riche, très très plaisant à écouter, assez péchu. On attend les concerts dans la région, en fait, ouais, ce serait bien de pouvoir les voir. On espère un passage par ici, ouais. Et nous allons enchaîner. On va rester dans le milieu du cinéma. Du cinéma, on va dire. Avec l'égérie de Jean-Luc Godard, Anna Karina, qui avait sorti un album avec Philippe Catherine, composé par Philippe Catherine en l'an 2000. Et qui s'appelait Une histoire d'amour. Et puis là, pour renouer avec notre thématique des vacances, et plus particulièrement celle de la mer, on va écouter le 11e morceau de cet album qui s'appelle Vivre sans la mer, avec cette voix si caractéristique et parfois un petit peu dissonante d'Anna Karina. Tout de suite, Vivre sans la mer. Vivre sans la mer, c'est mourir un peu. Sans les plages qui rendent heureux, les visages des confits sous la pluie, pluie. Il me plaît tant ton cou salé lorsque tu te mêles au marais, que le jour a surpris en ami. Ce que j'aime est ici la vie, se démultiplie comme les bords d'une carte d'état-major. Vivre sans la mer, c'est mourir un peu et de l'entendre. Qui s'emplit de la vie. D'ici la vie se démultiplie comme les bords d'une carte d'état-major. Vivre sous la mer, c'est renaître un peu, et c'est comme s'il y avait un Dieu pour les âmes démunis sous la pluie. Yo la Tango, qui reprend la scie musicale Sea Cruise sur un album sorti en 2006 qui s'intitule très justement Yo la Tango massacre les classiques. Parce que comme vous avez pu le deviner, c'est une sorte d'improvisation live que nous venons d'écouter. Il y a eu toute une série d'enregistrements faits par Yo la Tango à l'occasion d'une opération de soutien à la radio du New Jersey WFMU qui avait invité les musiciens et proposé aux auditeurs de donner de l'argent pour les soutenir, et en échange, ils avaient le droit de demander au groupe de leur interpréter un morceau de leur choix dans la plus totale improvisation. Donc il y a des morceaux qui sont réellement massacrés sur la trentaine de reprises que compte l'album. Mais tout est assez jouissif et assez drôle. Il y a une bonne humeur et un parfait rock'n'roll du début à la fin, même s'il y a des titres qui sont parfois moins rock'n'roll. Et on va rester dans cette veine un peu grunge, on va dire, avec un groupe des années 90 anglais, cette fois-ci, The Faith Healers. Qui avait sorti trois albums chez Too Pure dans ces années-là. Et là, j'ai choisi le dernier morceau de leur deuxième album, Spin 1/2, qui est une sorte de long morceau grunge. Il y a une reprise de Can d'ailleurs à signaler, parce que ça ressemble un peu, ça fait penser, enfin on sent qu'il y a une filiation, même si il y a une sorte d'adaptation grunge quand même au niveau du son. Puisque sur ce même album, ils avaient repris Mother Sky. Oui. On vous passera peut-être la reprise qui était tout à fait correcte de leur part. Et Spin 1/2, c'est une sorte de mantra, en fait, puisque la chanteuse répète tout le long du morceau que... Je ne me rappelle plus exactement, mais vous allez voir. Être dans l'eau, c'est quand on est dans l'eau, on est mouillé. Je crois que quelque chose de cet ordre-là. C'est bien. Remarque, ça aussi, ça peut rapprocher peut-être de Cannes, où tu es souvent des phrases scandées comme ça, un sens assez bon. Les Faith Healers, ils ont une écriture qui était très inspirée de Cannes, parce qu'ils n'étaient absolument pas doués pour écrire les paroles. Ils se contentaient juste d'avoir quelques petites formules. Voilà, petits gimmicks à répéter. Voilà, à répéter, qui voulaient pas dire forcément grand chose, mais qui sonnait bien avec Mais à force de les répéter, peut-être que ça prenait un sens. Peut-être que aussi, ça prend un sens après, oui. Oui, effectivement. Tout à fait. Donc l'eau, ça mouille. Non, c'est pas l'eau, ça mouille. Quand on est entouré d'eau, c'est qu'on doit être dans la mer. Je crois que c'est ça qui. Ouais. Disait. Ouais, on va le vérifier tout de suite. Allez, c'est parti. The Faith Healers. We'll be right back. faut que je stripteaseuse. Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour s'en vont, une à une et mes illusions. À chaque nuit, un autre automne s'effeuillerait bien monotone. Et tout ceci pour qui, pourquoi? Est-ce pour lui, est-ce pour toi? Si c'est pour toi que je striptease, il faut pourtant que je te dise que tu es soit dit entre nous, un peu voyeur, un peu voyou. Mais ce ne sont là que chimères. De ma bouche à ma jarretière. Car personne, pas même toi, ne portera la main sur moi. Ici s'achève le striptease qui te grise et m'idéalise. Voici la chair de la poupée, ses vêtements éparpillés. Pourtant, si je suis toute nue, je garde mon âme à genoux. Et je reste en tout point pareil, là dans le plus simple appareil. Nico. Nico, Striptease, une reprise, un inédit en fait. Voilà, c'était pour terminer sur une note un peu plus douce après les 10 minutes de Fake Feelers et de Grunge. Histoire que, chers auditeurs, vous ne soyez pas complètement déboussolés et que vous ayez encore un peu de goût pour nous retrouver la semaine prochaine pour une émission sans thème. Il faudrait quand même qu'on précise une chose qu'on n'a pas précisée. Qui est quand même relativement importante, c'est que l'horaire de l'émission change, puisque normalement, le Beau Bizarre donc, ne sera plus diffusé le dimanche de 23h à minuit, mais le mercredi, de 22h à 23h. Voilà, et d'ailleurs, ça doit être mercredi si vous nous écoutez. Le mercredi 5, logiquement. Normalement. Voilà, et on vous rappelle aussi que vous pouvez aller sur Internet, sur le blog. Blogspot. Vous cherchez le Beau Bizarre et vous trouverez les playlists à télécharger, les émissions, les dernières émissions. Voilà. Puis quelques petits bonus vidéo, toujours bienvenus. Voilà, tout à fait. À la semaine prochaine, salut à tous. Le mercredi. Au revoir. I'm a toilet with no sound.